بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم وتفهم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الكفر كفران الكفر كفران والكفر لغة قال العلماء يعني أهل اللغة قالوا هو مادة تدل وتدور على التغطية والستر الكفر لغة ça tourne autour de le fait de dissimuler une chose et de la cacher. ومنه قول سبحانه وتعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث الغيث هو المطر أعجب الكفار نباته يعني ها هنا ما هو المراد بالكفار ها هنا سزراع كمثل غيث أعجب الكفار نباته الكفار هنا ce qui est voulu ici c'est الزراع ce sont les agriculteurs و l'agriculteur يعني الزارع سمي كافرا لأنه يستر النبات يعني تحت الأرض يعني يدسمل les grains sous la terre فذلك سمي كافرا فلغة كفر تدل على تدل على الستر والتغطية C'est un mot qui tourne autour du sens de dissimuler et de cacher. وَسُمِيَا الْكُفْرُ الْمَعْلُومِ يَنِ فِي الشَّرْعِ الَّذِي هُوَ الْخُلُوجُ مِنَ الدِّينِ الْإِسْلَامِ سُمِيَا بِذَلِكَ لِأَنَّهُ تَغْطِيَةٌ لِلْحَقِّ يعني كفر celui qui mécroit en Allah عز وجل تَمِي لَسْتِرْتِ يعني dissimuler ou bien rejeter la vérité. Soit il la dissimule parce qu'on va voir que الكفر il a أنواع comme le juhud مثلا كَكُفْرَ فرعون il a dissimulé الحق يعني في قلبه يسافك الله سبحانه وتعالى في السماء يسافك الله سبحانه وتعالى هو الرب وأن الله سبحانه وتعالى هو الإله يسافك تسلى لكن كفر بذلك كفر جحود فإلى دسمل سلا تام وكذلك قد يكون بالمعنى يعني تغطية الإيمان من حيث أنه كأنه يجعل الإيمان يعني تحت قدمه c'est comme si jamais il mettait l'iman lorsqu'on lui expose la vérité c'est comme si piétinait يعني cette vérité là et par ce fait là C'est comme si jamais il avait dissimulé la vérité yani sous ses pieds. من حيث أنه يجعلها تحت قدميه. فهذا هو الكفر لغة. الكفر لغة هو الستر وكذلك التغطية. نعم. والكفر شرعا كما قال هو رحمه الله. قال الكفر كفرا. Il y a deux sortes de mécréance. والكفر كما قلنا هو تغطية يعني شرعا تغطية الحق. Le fait de dissimuler la vérité. Soit la connaître et la dissimuler yani, réellement, ou bien la rejeter comme si jamais elle n'était pas présente. Yani. ثم كما قال هنا قال الكفر كفرا ينقسم إلى قسمين إلى deux catégories. قال كفر يخرج من عن الملة. تام. قال وهو خمسة أنواع. والثاني c'est celui qui fait pas sortir de la ملة. وهذا التقسيم تقسيم صحيح. هذا التقسيم تقسيم صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أطلق الكفر على بعض الأعمال التي لا تخرج صاحبه من الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر على حديث متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم سب المسلم فسوق c'est la perversité, le fait d'insulter son frère قال وقتاله كفر et le combattre c'est une mécréance لكن est-ce que c'est une mécréance qui le fait sortir de l'islam بالإجماع أن من قتل مؤمنا متعمدا عالما بالحكم ما لم يستحل فليس بكافر كما قال سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء donc si jamais le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne toute chose en dehors du shirk فهذا من باب أولى que ça ne fait pas sortir de la mécréance parce qu'Allah عز وجل ne pardonne pas la mécréance فهذا دل على أنه ليس بكفر هذا ليس بكفر وقال كذلك في الحديث قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ما هو المراد بذلك الحديث ne revenez pas كفار en vous combattant يعني chacun tue l'autre المراد هنا قال العلماء هو كفر النعمة نعمة الإسلام parce que le fait de tuer son frère يعني c'est comme ne pas remercier الله عز وجل بهذه النعمة نعمة الإسلام واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم Enfin, le fait de le tuer, c'est pas, yani ça, c'est pas de la reconnaissance. C'est pas de la reconnaissance par rapport à cette ayah qui nous incite à remercier Allah Azza wa Jal pour avoir fait de nous des frères. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالله عز وجل évoquait que الأخوة في الإسلام c'est نعمة. تمام. وأصبحتم بنعمته على ذي الإسلام. تمام. إخوانا. Donc c'est نعمة d'être des frères dans l'islam. Dans l'islam. Fait le fait de tuer son frère c'est هذا c'est كفر النعمة. نعم. فالحديث الكثيرة جدا التي تدل على أن الكفر أن كفرا. تمام. الكفر كفران وهذا بالإجماع أن من قتل يعني مؤمنا متعمدا حتى لو كان عالما بذلك c'est pas un mécréant, ça ne fait pas sortir de l'islam, ça ne fait pas sortir de l'islam. نعم. فصن تقسيم c'est un تقسيم qui est صحيح مستنبط من الكتاب والسنة qui était déduit des preuves du kitab et la sunna. نعم. ثم قال هنا رحمه الله قال الكفر قال النوع الأول كفر يخرج عن الملة وقال سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين فهذا نوع الكفر كيف سخطر الإسلام يعني الكفر بالإيمان رجته الإيمان فقال سبحانه وتعالى فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين il fait partie des perdants يوم القيامة des grands perdants ceux qui n'auront pas de شفاعة ولا مغفرة ولا شيء ولهم ما لهم إلى النار فقط نعم فcette آية là nous montre que ce كفر لا fait sortir l'islam كما ذكر ذلك الله سبحانه وتعالى نعم فقال هو خمسة أنواع فذكرها هنا هو رحمه الله تعالى خمسة أنواع فقال نوع الأول قال كفر تكذيب ودليل قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين فالله سبحانه وتعالى حكم على الكفر بمن كذب على الله سبحانه وتعالى celui qui ment sur Allah عز وجل أو كذب بالحق c'est-à-dire qu'il le rejette هذا يسمى كفر تكذيب c'est-à-dire qu'on lui présente la vérité et lui il la rejette il la dément tu lui dis Allah في السماء كما فعل يعني فرعون Allah في السماء il dément cela il dit là الله ليس في السماء تنفى يرد بمعنى هو الكفر فهو عدم الإيمان بما ذكرت له c'est il a pas la mécréance la croyance en ce que tu lui as évoqué et en plus il la rejette et en plus il la rejette نعم فهذا يسمى كفر التكذيب وهو كفر يخرج صاحبه من الإيمان من الإسلام كما في هذه الآية ومن أظلم أي لا أظلم il y a pas de plus les injustes, mais maniftara ala Allah kadiban, que celui qui forge le mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala, ou kadzaba bil haqq, ou bien qui rejette la vérité. Qala alaysa fi jahannam mathwa lil kafirin. Donc là, cette ayah-là, à la fin, il dit lil kafirin. Donc ça nous montre que celui qui rejette la vérité, ou bien qui ment sur Allah subhanahu wa ta'ala, volontairement, fahada, c'est du kufr qui le fait sortir de l'islam. L'an Allah azza wa jalla, qala alaysa fi jahannam mathwa. Et comme on a pu voir, mathwa, c'est le lieu, yani, dans lequel il ne sort pas. مثواه هو الرفوج و سيرا ايترنيلمون نعم قال بعضهم كابن قير رحمه الله قال فهو اعتقاد كذب الرسل واعتقاد كذب الرسل وقال وهذا القسم قليل في الكفار وفي الحقيقه هنا beaucoup en vérité لكن peut-être qui veut dire par cela يعني tous les juhud يعني ils savent que c'est un rasoul mais ils le démentent ils le savent يعني au fond d'eux-mêmes mais ils le démentent يعني comme c'est arrivé dans Sulh al-Hudaybiyah. Parce qu'ils ont fait une trêve, ils ont fait un accord de paix. Enfin, dans l'accord qui a été écrit, Al-Nabi Samuel a dit, « Yani uktubu min Muhammad, Rasulillah. » Fait Kufar al-Quraysh, ils ont dit, « Si jamais on aurait su que tu étais le prophète, on ne t'aurait pas combattu. » Fahawala yani kazzabu bil Rasul. Bi Muhammad, yani ils ont démenti que Muhammad soit le messager. La maqala, من محمد بن عبد الله رسول الله. Ils ont dit tu marques pas رسول الله dans le pacte. Pourquoi? قالوا لو كنا نعرف أنك رسول من الله لما قتلناك. On t'aurait pas combattu. لكن pour nous tu n'es pas un رسول. Donc هذا كذلك c'est un exemple يعني qui montre يعني كفر تكذيب. Ils ont rejeté la prophétie du prophète عليه الصلاة والسلام. Ils l'ont démenti. نعم. فهذا نوع واضح جدا بالإجماع. Celui qui dément cette chose-là, ou une des choses, yani bil islam, il a des membres Ba'd al-Bayan. Ça, ça fait sortir de l'islam. Ça fait sortir de l'islam. Ba'd al-Bayan, min al-ashya allati hiya ma'lum min ad-din bid-darura. Celui qui vient et dit, assez wak, ça fait pas partie du din. Et pourtant, la délai sont wadiha fi dhalik. Naham. Wadiha tun jiddan fi dhalik. Fahala kufrun. Bima bilhaq. Ada takdhibun bilhaq. Ou kadhaba bilhaq. Al-haq, c'est ce qu'Allah azawajal a fait descendre sur son prophète. Ali sallallahu alayhi wa sallam. Naham. Fa celui qui lui est parvenu la preuve claire et évidente, fa après cela, il n'a pas d'excuse. Si jamais il dément ces choses-là, naham. هذا كفر يخرج صاحبه من الإيمان كفر التكذيب c'est le fait de mentir le haq la vérité qui est واضحة جدا et comme on a pu évoquer celle qui est معلوم من الدين بالدرورة parce qu'il y a certaines مسائل dans lesquelles il y a خلاف il va dire que non ça ne fait pas partie du din d'autres vont dire si ça fait partie du din donc ça il y a خلاف à l'achia التي فيها الخلاف المعلوم ça ne rentre pas dedans ça ne rentre pas dedans ça ne rentre pas dans cette catégorie là قال رحمه الله قال النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق كفر الإباء والاستكبار c'est-à-dire il refuse ويستكبر قال مع التصديق c'est-à-dire qu'il reconnaît que c'est la vérité لكن يأبى أنه يدخل في الإسلام كما حصل ذلك مع أبو طالب يعني ما أمن بالله عز وجل certains disent que il était musulman ou il fallait pas dire que c'était un kafir. Certains ont vu que cela. Parce que si jamais tu dis que c'est un kafir, en gros, c'est un mépris envers le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Yana, c'est son oncle. Et toi, tu dis que c'est un kafir, donc c'est comme si jamais tu méprisais, un nabi, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Hatta qalu hala fi abi wa ummi. Son père, même lui, il a dit, directement, il a dit, inna abi wa aba ka fi nar. Ton père et mon père sont en enfer. فقال بعدهم يعني هذا ليس من باب الاحترام أنه يقول أن أبا محمد عليه الصلاة والسلام هو كافر قالوا هذا من باب الطعن هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح إن كان على سبيل البيان si jamais il fait cela afin de on lui a posé la question il répond هذا ما فيه مشكلة لكن بدون حاجة فهذا قد يعني يقال يعني si jamais il le prononce comme ça sans réelle raison tu vois il le répète comme cela à longueur de journée. Fahada yani fil haqiqa fi shay, lakin celui qui veille bayan, on lui pose la question est-ce que son père est mort sur l'islam même là, tu réponds hada laysa min at-ta'an ou Abu Talib ou bien sa mère ou bien ceux parmi sa famille qui sont morts yani sur le kufr, hada laysa min at-ta'an. Hada huwa al-bayan. Hada min bab al-bayan. Naham, fa Abu Talib mata ala al-kufr. Tam, kama fi al-qissa al-mashhura yani mutadawila fi kutub at-tawhid qui est propagée dans les kutub de tawhid, fa 'arada alayhi nabi sallallahu alayhi wa sallam al-islam qabla قبل الموت avant qu'il meure فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحج بك عند الله عز وجل et si jamais tu dis cette parole là elle te sera profitable et je pourrai intercéder en ta faveur يوم القيامة تم فأبى أنه يقول لا إله إلا الله il a refusé de dire لا إله إلا الله et ça يسمى كفر الإباء مع التصديق c'est-à-dire que il savait que la religion avec laquelle est venu النبي صلى الله عليه وسلم c'était le haq comme ils évoquaient dans certains des abiyats qui sont يعني نصب إليه qui lui sont apparenté, lakin, min haythu siha, est-ce que c'est authentique ou pas, est-ce que vraiment il l'a dit ou pas, wallahu alam, lakin, c'est mashhur anhu qu'il a dit, laqad alimtu anna dina muhammadin khayr al-adiyan. Il a dit, je sais et je reconnais que la religion de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des religions. Donc il n'a pas kadhab, il n'a pas démenti, il n'a pas rejeté, il y en a dans le sens où il a dit que c'était faux. Au contraire, il a approuvé que c'était la religion de la vérité. Lakin, Aba wastakbar. Il n'a pas voulu rentrer par peur des réprimandes. Tam. Yani, pour eux, c'était aïb de délaisser la religion des ancêtres, de ses grands-pères et l'akhiri. Tam. Kama qala alladhina kanu indahu atarghabu an millati Abd al-Muttalib. Est-ce que tu es en train de délaisser la religion de Abd al-Muttalib, qui est son père, est-ce que tu es en train de délaisser cette religion-là? Yani, kana indahum, c'est un aïb, c'était aïb jiddan. C'était une grande réprimande, yani, c'était grave pour eux. Fa, khaf al-malama, il a eu peur des réprimandes, et il est resté sur le kufr. Fa, ada yusamma kufr iba, ma'a tasdiq. Donc là, la différence entre les deux, c'est que le premier kufr takdhib, il la rejette, il dément cette chose-là. C'est faux, totalement, c'est du mensonge, yani. وما هذا يقول نعم c'est صحيح لكن il rentre pas dedans كأبو طالب كأبي طالب plutôt قال ودليل قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا كذلك سين بل آية كلمات يعني ست cette catégorie là. Fa Iblis, lorsque Allah Azza wa Jal amarahu bi sujud lil malaika, fa hadha c'était, c'est pas du shirk. Lian Allah Azza wa Jal il a ordonné. Il a ordonné. Kama fi al hadith law kuntu amran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu azwaja an tasjuda li zawjiha. Si jamais je devais ordonner à une personne de se prosterner pour une autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour yani envers son mari. Si jamais ça serait été légiféré, ça fait pas partie du kufr, parce que c'est une chose qui a été légiférée, yani bil islam. Enfin, lorsque Allah Azza wa Jalla il a ordonné le sujoud yani lil malaika, ça c'est pas du shirk, parce qu'Allah Azza wa Jalla il a ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala la ya'muru bi al-fahsha, il ordonne pas les turpitudes. Fa hadha istakbara, il a rejeté. Wastakbara. Tam. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Il dit quoi les malaïka? Non, sajada li Adam, afan. Waskuna li malaïka tisjudu li Adam. Lorsqu'Allah a ordonné aux malaïka de se prosterner. Kazalika, y compris Iblis. Fa'aba wastakbara. Il a refusé. Il a refusé de se prosterner. Il savait que l'ordre d'Allah azzawajal, huwa al-haq. C'était la vérité. Et qu'il devait se soumettre. Lakin bi al-istikbar. Et parce qu'il a vu qu'il était mieux que Adam. Et il a akhiri min al-qissa. Il a refusé. Il a refusé de se soumettre. كذلك هذا يعني الذي يعتقد que l'islam c'est le din al-haq, lakin qui ne met pas en œuvre, يعني يعرض عن ذلك, لا يشهد أن لا إله إلا الله, il ne fait pas les choses يعني qui font qu'on va juger de lui qu'il est musulman. فهذا لا ينفعه. هذا لا ينفعه. Son tasdiq لا ينفعه. Lakin c'est أقل, il est moins pire que celui qui rejette et dément. Et insulte la religion comme mensonge. Non, ça c'est encore pire. Lakin, les deux c'est grave. Yani. Les deux c'est grave. النوع الثالث قال كفر الشك وهو كفر الظن. كفر الشك وهو كفر الظن. C'est la même chose. Yani, الشك الظن, dans certaines des situations, ça peut avoir le même sens. Il faut savoir que الظن, yani, في كتاب الله عز وجل, il est évoqué pour quatre choses. الظن بمعنى اليقين. الظن بمعنى اليقين. Yani, la certitude. كقول سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة يعني للصلاة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ceux qui pensent qu'ils vont rencontrer Allah عز وجل lorsqu'il voulut بالظن penser هنا بمعنى الذين عندهم اليقين parce qu'on ne peut pas avoir une forte présomption qu'on va rencontrer Allah عز وجل. C'est faux ça, yani ça c'est une aqida qui n'est pas sahiha et qui elle n'est pas profitable, c'est du kufr. De penser qu'on va peut-être, yani, c'est comme si jamais c'était dit, on va peut-être, lakin je pense fortement, yani. Il laisse un doute à une probabilité que c'est possible que nous on ne le rencontre pas. Fahada la yanfa, lakin al-dhan huna c'est pas la forte présomption, lakin bima'na al-yaqin. Al-lazina yazunnuna annahum wa la quwwata illa billah. Wa qad yakun bima'na la forte présomption. كما في قال سبحانه وتعالى إن ظن أن يقيم حدود الله يعني par rapport à celui qui a divorcé sa femme et qui veut la reprendre فقال سبحانه وتعالى إن ظن أن يقيم حدود الله et si jamais ils pensent que ils vont se réconcilier et que ça ira mieux تمام يتعاون على طاعة الله عز وجل dans ce cas-là يعني c'est bien qu'ils se remettent ensemble si jamais ils ont la forte présomption. Hauna, c'est pas être l'yakin, parce qu'il voit pas le futur, il connaît pas le futur. Est-ce que ça va marcher ou pas? Yani, il a une forte présomption par rapport aux indices qu'il a, que si jamais ils se remettent ensemble, inshallah, ça va mieux aller. Fa'Allah Azzawajal, il a évoqué al-dhan, hauna bima'na, la forte présomption. Et al-ghalib, lorsque dhan, il est utilisé, c'est pour la forte présomption. Lakin, comme on peut voir, c'est utilisé pour d'autres choses. Ça peut être aussi kadhalika bima'na, al-wahm. Al-wahm, c'est, un peu comme le dhan, lakin, c'est le fait d'avoir une forte présomption sur l'erreur. هذا يسمى وهم. كقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن فإن بعض الظن إثم اجتنبوا كثيرا من الظن écartez-vous fortement du ظن qui هنا بمعنى الوهم أي الخطأ. هذا يسمى الظن كذلك. Et ça peut être ظن بمعنى كما قالها هنا بمعنى شك. إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين حول الكفار ce qu'ils ont qu'ils avaient un doute par rapport à l'iqa الله عز وجل فقالوا إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين dans sourate al-Jathiyah le verset 32 وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين et lorsqu'il aurait dit que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité et que l'heure yani arrivera قلتم ما ندري ما الساعة yani ils ont démenti ils ont fait semblant de pas connaître yani c'est quoi الساعة yani قالوا إن ظن إلا ظن yani on a un doute sur cela on a un doute que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est vraie et que un jour viendra al-qiyamah on a un doute sur cela قالوا إن ظن إلا ظن أي ما نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين donc ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas la certitude ils avaient le doute sur la venue de Sa'a sur la venue de al-qiyamah Allah Azza wa Jal il a utilisé le mot ظن pourquoi pour le doute le mot ظن pour le doute كما هنا قال النوع الثالث كفر الشك وهو كفر الظن بمعنى الشك تمام بمعنى الشك et كذلك ça rentre dedans Bartofi comme on a pu le voir toutes les autres sortes c'est-à-dire l'erreur et كذلك la forte présomption ما ينفع dans l'aqida tu dois avoir l'yaqin la budda min fa celui qui a un shak dans les choses dans lesquelles on lui demande l'yaqin fa hadha la yanfa'u ama celui qui a un shak dans les choses dans lesquelles tu peux avoir un shak fa hadha ça rentre pas dedans comme le fait de on va prendre la même masala est-ce que kafir tarak as-salat c'est un kafir ou pas donc dans cette masala on n'a pas l'yaqin l'yaqin on a une forte présomption que celui qui la délaisse تم سانك كافر بالله عز وجل وكذلك اسكون رمي لما sur la poitrine après le recours فكذلك يعني dedans c'est une masala dans laquelle il y a c'est pas objet à yaqin laquelle on a une forte présomption que si jamais que on doit le mettre sur le torse ou bien qu'on doit le mettre يعني comment s'appelle les bras ballants comme ils disent فهذا ça rentre pas dedans المسائل التي فيها الغموض dans lesquelles تم c'est équivoque ou bien elles sont la dit elles sont pas wadiha فهذا قد يعتريه الشك le shak il peut rentrer dedans au غلبه الظن ça peut rentrer dedans اما في المسائل الاعتقاديه فهذا لا يقبل الى اليقين فمن عنده الشك في لقاء الله عز وجل او عنده الشك que النبي صلى الله عليه وسلم c'est un رسول او عنده الشك يعني في الساعه وغير ذلك parmi les مسائل qui sont معلوم من الدين بالضروره et dans lesquelles الادله sont واضحه جليه فهذا هو الكفر بالله سبحانه وتعالى وذكر من ذلك وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها donc ça c'est لا ريب فيها donc on n'a pas à avoir de doute لا ريب فيها بمعنى il n'y a pas de doute l'heure viendra قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين فهذا c'est du كفر بالله عز وجل نعم parce que le verset il est cité dans un contexte de ceux qui ont mécru كما قال سبحانه وتعالى le verset juste avant قال واما الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين واذا قيل اي لهم تمام donc ça montre يعني que Allah subhanahu wa ta'ala parle des kuffar dans cette ayah là dans verset numéro 30 قال واما الذين كفروا quant à ceux qui ont mécru افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم vous avez refusé وكنتم قوما مجرمين et vous étiez un peuple un criminel وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ بِمَعْنَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ et lorsqu'il aurait été dit à ces personnes-là qui sont kafirs إِنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَقِّ إِلَى خِرِهِ يعني Allah عز وجل a montré que parmi leurs sifats de ces kuffars-là c'est qu'ils avaient pas qu'ils avaient un doute sur la venue de l'air نعم. donc ce verset-là la base bihi يعني pour le الحفظ il est plus court قال رحمه الله تعالى قال النوع الثالث كفر الشك on va évoquer la parole de Ibn Qayyim avant كفر الشك كما قال قال لا يجزم بصدقه يعني بصدق الرسول ولا يكذبه c'est celui qui ni approuve ni dément la chèvre là c'est celui qui ni approuve ni dément لا يجزم بصدقه أي بصدق الرسول ولا يكذبه بل يشك في أمره نعم معروف الشك بس يعني هذا من باب التوضيح de la parole d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fi madarij as-salikin qala wa ad-dalil qawluhu ta'ala ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا نعم. Dans ce verset-là, il y en a dans Sourate Al-Kahf, il y en a les deux personnes, l'un est celui qui avait le boustan. وتعجب ببستاني كان يتعجب سيمرفي par son boustan, يعني كان يتعجب من ودخل جنته وهو ظالم لنفسه يعني ظالم لنفسه comme Allah عز وجل va l'évoquer plus juste après. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا يعني كان يتعجب يعني من بستاني. Il pense pas que ça, يعني qu'elle aura une fin. Son boustan, son jardin, il a pas de fin. يعني جعل بستانه كأنه جنة. Comme si c'était le paradis. يعني الذي لا يفنى, qui est éternel. Tam قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Je pense qu'elle est éternelle, بمعنى. قال وما أظن الساعة قائمة. Et je ne pense pas. C'est-à-dire que j'ai un doute, un choc. Tam وما أظن الساعة قائمة. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال et si jamais. Yani, il laisse à supposer. Et si jamais c'était vrai, qu'on sera ressuscité, لَإِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيَرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Je trouverai mieux que ce djennah-là. Si jamais c'est comme vous le dites, qu'on sera ressuscité, qu'il y a un berth بعد الموت, eh ben, vu qu'il m'a donné fil dunya, c'est obligé qu'il me donnera كَذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ. Yani, ils ont fait un qiyas qui est facile. Celui qui, à qui est donné fil dunya, lui sera donné fil akhira. Wa hadha fil aks. Parce que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, قال الدنيا جنة. قال الدنيا جنة الكافر. La dunya c'est le jannah du kafir. Dans lequel il a tous les merveilles et tout, il a akhiri. Wa qala wa sijn mu'min. C'est la prison des mu'mins. Celui à qui est donné fil dunya, lui sera forcément donné fil akhira. Hadha laysa bi sahih. Hadha laysa bi sahih. Naham. Wa ash-shahid huna qala wa ma adhun as-sa'ata qa'ima. J'ai un doute que As-Sa'a al-Qa'ima qui sera établi. Wa la irdittu ila rabbi, si je revenais à Allah Azza wa Jal, comme vous le prétendez, je trouverais mieux. La ajidana khayran ay min dhalika al-bustan. Minha munqalaba. Qala lahu sahibuh. Et sahibuh est celui qui était à côté de lui. Alladhi sahibuh bi ma'na alladhi huwa bi jiwarih. Celui qui était à côté de lui, son voisin. Wa huwa yuhawiruhu. Yuhawir bi ma'na yatahaddath ma'ah. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا يعني en gros الآن tu as un doute sur Sa'a. Il lui a dit et il a évoqué que son sahib, il a évoqué que son doute بالسعه c'est du kufr, parce qu'il a dit أكفرت بالذي خلقك, يعني tu as dit une parole qui est kufr, le fait de dire que je pense ou bien j'ai un doute qu'on va être ressuscité, هذا كفر. Pourquoi? Parce qu'il a dit, son sahib l'a dit, أكفرت بالذي, as-tu mécru en celui qui t'a créé, min turab, thumma min nutfa, thumma sawwaka rajula. En gros, il veut dire, si jamais Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé, t'âme de cette nutfa, min al-lahm, qu'est-ce qui va l'empêcher de te ressusciter? Si jamais il a réussi à te créer la première fois, il va te ressusciter une deuxième fois, c'est pas un problème. Donc là, il lui a fait un rappel. Donc, et la foi au berth, à la résurrection. Donc yani al-an, il a bien prouvé que al-dhannu fi shay yani fi al-aqida, et parmi ces sujets-là yani as-sa'a, la résurrection, que ça c'était du kufr par rapport à ce verset-là, parce qu'il lui a été demandé d'avoir al-yaqin bis-sa'a, et lui il a eu un doute, wa ma adhunu as-sa'a qa'ima. Et son sahib, son voisin, il lui a dit akafarta billadhi khalaqaka min turab. Donc là il prouve, yani il nous montre bien que ça fait partie de la mécréance. Ça fait partie de la mécréance. Il a jugé de lui que c'était un mécréant. Akafarta, as-tu mécru? Fahadah wa shahid. Que avoir un doute, yani, dans les choses dans lesquelles il doit avoir le yaqin, ça fait partie du kufr qui s'appelle kufr al-shak. Naam. Qala rahmahullahu ta'ala. Qala rahmahullahu ta'ala. Qala nahr rabi' kufru al-i'rad. Le fait de se détourner de la religion. Yani, de ne pas l'accepter. C'est un peu comme le. C'est un peu comme on a pu voir, kufr al-liba. C'est le refus. T'aimes les deux, se détourner, refuser, c'est la même chose. Sauf que kufr al-i'rad, yani, annahu la yusri ilayhi. C'est un peu comme le kufr de Qom Nuh. Faja'alu asabi'ahum fi adhanihim, wastakhshaw thiyabahum, wasarru, wastakbaru istikbara. Yani, ils n'ont pas voulu l'écouter, hatta, tu vois. C'est pas, ils ont tendu l'oreille, ils se sont dit, bon, on écoute ce qu'il dit. Et ensuite, ils ont entendu, ils ont refusé. Amahaoula, ils n'ont même pas voulu entendre. Ils ne veulent rien savoir. C'est plus que le refus. C'est le refus et ne pas écouter. Et s'en détourner, yani. Ne pas donner de l'importance et ni écouter. Fil hakika, ça ressemble un peu à kufr al-iba. Lakin c'est achad min haythu yani anahuash. يعرض قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يسخي إلى ما جاء به البتة. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر كفر الإعراض إيدي رحمه الله تعالى سلوي يعرض بسمعه وقلبه ni il écoute et ni كذلك son cœur كذلك il écoute. Il ne prête pas attention ni par son cœur ni par ses oreilles. La yusaddiquhu wa la yukadhibu. Il ne dément pas et inni kadhalika il approuve yani cette guidée-là. Même bab awla parce qu'il ne l'écoute pas. Qala wa la yuwalihi. Il ne montre pas une alliance fi Allah azza wa jal. Qala wa la yuadihi. Kadhalika il n'a pas une hostilité entre envers lui. Ni c'est un allié ni c'est un hostile. Qala wa la yusri ila ma jaa bihi al-batta. C'est-à-dire, il ne prête même pas attention à lui. Il s'en détourne. Il n'écoute pas. Il fait comme s'il n'existait pas. Ça, c'est justement kufru al-i'arad. Dhakar al-dalil. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala wa dalil. Qawluhu ta'ala. Wallazina kafaru amma unziru muhridun. Ça, c'est une sifa parmi les kuffar. Kama kunna ka kufri qawmi Nuh. Yani, voilà, ils ont fait des hajaïbs devant Nuh. Ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles. Ils se sont... dissimulés sous leurs vêtements. C'est comme si quelqu'un, tu lui fais une nasiha, tu t'imagines, tu lui fais une nasiha, ou tu l'appelles à l'islam, il prend son pull et le met sur son visage. Et toi, tu es en train de lui parler. Pour te dire, en gros, tu peux continuer à parler, je ne suis pas intéressé. Ou bien encore pire, il met ses doigts dans ses oreilles. Vas-y, continue à parler, oui, tu m'intéresses. Yani, ça, c'est un ordre d'Irad avec un istihza, yani, il se moque de lui. Il se moque de lui. Fahada, yani, shadid, jiddan. Shadidun jiddan. Fahada, kufr. C'est à chaque qu'il a évoqué, ce sont des kufrs qui sont ma'lum bid-din bid-darura. Les ulama sont tous unanimes sur ça. Faqala rahimahullah ta'ala, qala wa nahu al-khamis. Parce que celui qui ne croit pas en Allah azza wa jal, c'est clair que c'est un kafir. Kama qala nabi sallam, la yasma'u bi rajulun min ummati yahudiyun wa la nasraniyun thumma lam yu'minu bih illa kana min ashabin nahr. Donc ce hadith qu'on a pu évoquer plusieurs fois, hadith Abi Huraira rapporté par Muslim, que celui qui a entendu parler de la venue du prophète alayhi salatu salam et ensuite il n'a pas eu foi en sa venue et ni a œuvré yani bil islam, fahada, il fera partie des gens de l'enfer. Donc ça montre que c'est de la mécréance. Qala an-na' al-khamis qala kufr an-nifaq. Naam, c'est du kufr. Yani al-kufr yani c'est aham. Le shirk c'est du kufr billahi azza wa jal. Pourquoi? Parce que al-shirk c'est tarqiyatul haqq. Et le fait d'associer Allah Azza wa Jal, c'est clair et net que on n'a pas donné le haq, yani à cette mas'ala-là qui est tawhid. Donc tout shirk, c'est du kufr. Tout nifaq, kadalika, c'est du kufr. Parce que l'hypocrisie, c'est le kufr, yani, total, c'est-à-dire dissimuler la mécréance. Lakin, laysa bil al-aqs sahih, mathalan, tout kufr n'est pas forcément du shirk. Mathalan, celui qui n'écoute pas et qui se détourne yani, de la vérité, du haq. Cette personne-là, est-ce qu'on peut dire que c'est un mushrik? Le shirk, c'est le fait d'associer Allah Azza wa Jalla dans l'ibadah. Amahada, il n'a pas adoré aslan. Yani, pour faire une association, il faut l'ibadah. Amahada, il n'a pas adoré. C'est pour ça que le kufr, c'est un amen à shirk. Amma le shirk, tout shirk, c'est du kufr. Parce que celui qui associe Allah Azza wa Jalla, qad kafara billah subhanahu wa ta'ala. من أشرك بالله فقد كفر بالله وكذلك النفاق tout nifaq c'est du kufr lakin tout kufr n'est pas forcément du nifaq tout kufr n'est pas forcément du nifaq. On reprend le même exemple, celui qui se détourne et il ne croit pas en ce prophète, il n'a pas caché la mécréance, donc ça peut pas être du nifaq. Ça peut pas être du nifaq. فهنا كفر النفاق. Ce nifaq là on va le retrouver encore parce qu'il va évoquer aussi un nifaq. Il va évoquer, comment ça s'appelle, un chapitre sur le nifaq. Donc il va le réévoquer. Donc ça fait partie du kufr. Il aurait pu marquer aussi kadalika, kufr shirk. Il aurait pu l'évoquer Kadaka Kufashakfil Hakika, celui-là, Yani c'est mieux de le laisser à part et le mettre dans le nifaq. Même si jamais ça fait partie du kufr. Ou sinon, on va évoquer Kadaka Shirk, tu vois ce que je veux dire? Fil Hakika, celui-là, il faut le laisser à part. Là, Basbihi, de l'évoquer, lakin fil Hakika, le mettre à part dans le dossier du code du nifaq. Naam. Fa kufr al-nifaq ma'lum. Parce que l'iman, c'est qawlun, wa amalun, wa i'tiqad. L'iman, qawlun. Une parole, ou amalun, un acte, ou i'tiqad, il faut avoir des convictions, qui est sahih, qui est sincère. Fait si jamais ce n'est pas le cas, fahaza, c'est du kufr. Billahi azza wa jal, parce que ça fait partie, il a délaissé un pilier de la foi qui est l'i'tiqad. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a démenti l'iman des munafiqs. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله أي يشهدون باللسان. إذا تسلا يعني par la langue, pas par le cœur. والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله عز وجل atteste que les munafiqs sont des menteurs. Ils disent une chose باللسان لكن qu'on ne trouve pas dans le cœur. فهذا c'est du kufr, parce que l'iman c'est d'avoir que il faut que l'apparent et le caché soient en conformité. Amahaoula, la parole n'est pas en conformité avec leur cœur, avec ce qu'ils dissimulent. Fahada, c'est du kufr. Hada kufrun billah, subhanahu wa ta'ala. Qala wa dalilu qawluhu ta'ala, zalika bi annahum amanu thumma kafaru, fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, ay al munafiqun. Amanu billahi, ay bil zahir. Amanu, ay bil zahir. Thumma kafaru, fatubi'a ala qulubihim, leur cœur ont été scellés. فهم لا يفقهون. La vérité ne rentrera pas dans le cœur de ces munafiqs tant que al-nifaq il est موجود dedans. Fa kufr al-nifaq hadha ma'lum. Et ça on appelle le nifaq al-i'tiqadi. Al-nifaq al-i'tiqadi comme on va le voir inchallah dans le par rapport au nifaq. Nifaq al-i'tiqadi c'est-à-dire l'hypocrisie yani des cœurs yani. Naam. Il y a un autre qu'il n'a pas évoqué. Il n'a pas évoqué kufr al-juhud. Et ça c'est un des premiers qu'ils évoquent. Kufr al-juhud, c'est l'inverse du nifaq. Al-nifaq, c'est le fait de dissimuler le kufr et de mettre en apparence l'iman. Kufr al-juhud, c'est l'axe. C'est le fait de dissimuler al-haq, la vérité, al-iman, et de mettre en apparence le kufr, comme l'a fait Pharaon. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Lorsqu'il est mort, il a dit « آمَنْتُ أَنَّهُ لَا أَيَنَا avant de mourir » آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Lorsqu'il était sur le point de mourir, là il a fait sortir ce qu'il y avait dans son cœur, c'est-à-dire la foi en Allah Azza wa Jalla. Mais cette foi-là n'a pas été profitable à Pharaon. فمن كتم الإيمان, celui qui dissimula la foi, ويظهر الكفر, ça on appelle كفر جحود. Et ça il a pas évoqué, c'était important de le mettre. Comme c'était important de le mettre, au lieu de mettre كفر النفاق, il aurait dû mettre كفر الجحود. Parce que celui-là, vraiment, il fait partie d'une catégorie du kufr. Naam. Ils ont évoqué aussi d'autres anwa', yani les ulama, qui, fait le haqiqa, ils se ressemblent un peu comme kufr al-hinad. Ça rentre un peu dans l'istikbar. Il y a des anwa', fait le haqiqa, qui se ressemblent. Il y a des anwa' qui se ressemblent. Lakin, les piliers de ces, du kufr, yani, les anwa' al-kufr, al-khamsa hadhi. Dans kufr al-juhud, كفر الإعراض الشك الإباء والاستكبار والتكذيب. نعم. Et في الحقيقة on peut aussi mettre تمام le كفر الإعراض dans le numéro 2 qui est كفر الإباء. Ils se ressemblent, تمام, les deux se ressemblent, sauf qu'en vérité في الحقيقة كفر الإباء lui il a quoi, il a un tasdiq, تمام, si on veut pour faire la différence entre les deux. كفر الإباء والاستكبار, il a un tasdiq, il reconnaît la véracité de la religion. Lakin, il s'en écarte, c'est-à-dire il n'œuvre pas. Amma kufr al-i'rad, il ne reconnaît pas et ni il dément. Ça, c'est une des différences qu'il y a entre les deux. Ils se ressemblent sur un point, ils se différencient sur un autre. Ala huwa, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, qala wa al-nu'u thani, qala min nu'i al-kufr. La deuxième catégorie, parmi la catégorie du kufr. Qala huwa kufr al-asghar, kishirk. Ils divisent en deux. قال لا يخرج من الملة وهو كفر النعمة. في الحقيقة c'est une des أنواع. C'est un peu comme avec le shirk. Lorsqu'il a dit avec le shirk al-asghar, قال هو الشرك الخفي. ou plutôt il a dit c'est l'arriya. Arriya c'est un nom min anwa' al-shirk al-ashar. Fada kadhalika kufr al-ni'ma c'est un nom min anwa' al-kufr al-ashar. Wa min dhalika al-qatl. Min dhalika al-qatl. Al-kufr al-ashar kadhalika. C'est le même, la même définition que le shirk al-ashar. Kullu ma ja'a an-nas bihi annahu kufrun. لكن لا يخرج من الملة أو كان وسيلة إلى الكفر الأكبر. C'est un peu la même définition qu'avec le shirk الأصغر. نعم. فلorsqu'il dit وهو كفر النعمة في حقيقة يعني c'est pas seulement كفر النعمة. On va prendre la définition de الشيخ الفوزان لا بأس به. فقال رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة التوحيد الشيخ الفوزان قال الشرك أو كفر الأصغر قال هو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفرا. Il dit c'est les péchés sur lesquels ont été évoqués l'appellation كفر. Ce sont les péchés sur lesquels ont été évoqués l'appellation كفر qu'on trouve dans le kitab et la sunna. قال وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر. Mais elles ne font pas sortir de l'islam. نعم. فقال رحمه الله تعالى قال نوع ثاني من نوعي الكفر قال هو كفر أصغر لا يخرج من الملة وهو كفر النعمة. يعني le fait de pas être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا في الحقيقة على قسمين. كفر النعمة si jamais لا يشكر الله عز وجل يعني من نعمة التوحيد مثلا. التوحيد هي النعمة. فذلك قال سبحانه وتعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Soyez reconnaissant Allah subhanahu wa ta'ala si vraiment c'est lui que vous adorez. يعني وحده لا شريك له. فأكبر الشكر هو التوحيد. La plus grande des reconnaissances, c'est le fait d'être, يعني être موحد. D'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un kafir. Un kafir al-ni'ma, la grande ni'ma, qui est la ni'ma al-tawhid ou ni'ma al-wujud. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, il nous a donné l'existence afin de quoi? Afin de l'adorer. Wahdahu la sharika lah. Donc, yani, être reconnaissant vers Allah Azza wa Jal par rapport à cette ni'ma-là qui est l'existence et être sur terre, c'est le fait de l'adorer. Donc, le fait de ne pas l'adorer, ça c'est du kufr ni'ma. Lakin, yukhri sahibahu min al-millah. Ça le fait sortir de l'islam. Donc, le kufr ni'ma, hatta hada ala hasab. Hada ala hasab. Si jamais il aurait évoqué, mathalan, al-qatl comme exemple, ça aurait été mieux. Par rapport au hadith. Wa qitaluhu kufr. Yani, comme on a pu voir. Tout péché sous lequel a été qu'ils ont été appelés il y a une mécréance lakin qui ne fait pas sortir de l'islam comme ce hadith là hadith Ibn Mas'ud ça aurait été mieux par rapport à l'exemple amma kufr an-ni'ma fa hadha ala hasab n'am fa l'exemple le mieux serait d'évoquer al-qatl n'am qala wa dalil qawluhu ta'ala wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizqaha rahadan min kulli makanin fakafarat bi an'amil lah fadhaqaha Allahu libas al-ju' wal khawf bima kanu yasna'un. Daraba Allahu mathalan, ya Allah azza wa jalla a évoqué un exemple d'une qarya d'un village kanat aminatan qui était dans la paix en sécurité n'am kanat aminatan en sécurité mutma'innatan qui était apaisée en toute sécurité ya'tiha rizqaha rahadan رغداً بمعنى بكل سهولة. Leur risque leur venait de بكل سهولة. Ils n'avaient pas se fatiguer. Un risque était موجود عندهم. على متناول الأيدي. À portée de main. قال من كل مكان. Dans chaque endroit où ils se trouvent, ils trouvaient un risque. الله عز وجل leur a donné نعمة. نعمة un risque في كل مكان. رغداً. قال فكفرت بأنعم الله. Ils n'ont pas remercié الله سبحانه وتعالى comme il se devait. Par rapport à cette grande نعمة qui était. يعني السهولة في الرزق. قال فكفرت بأنعم الله من حيث ما شكرت ونا بمعنى كفرت بمعنى ما شكرت. Ils ont pas reconnu Allah عز وجل بمعنى فكفرت بمعنى ما شكرت. الكفر يعني peut être évoqué par rapport à كفر النعمة. C'est-à-dire يعني le fait de ne pas être reconnaissant. Et ça comme on a pu voir على حسب. قال فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Et Allah سبحانه وتعالى en contrepartie de cela فأذاقهم لباس الجوع والخوف. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un risque. Ils n'ont pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce bienfait-là qui est la nourriture. Le fait d'être rassasié à chaque repas. D'avoir la nourriture à portée de main. Ils n'ont pas remercié Allah azza wa jalla, fait Allah subhanahu wa ta'ala en contrepartie. Al-basahum libas al-jur. Il leur a donné le vêtement de la, de la faim, si tu veux, yani c'est une faim qui est lazim, qui est tout le temps avec eux. Comme le libas, comme le vêtement qui est tout le temps sur nous, qui est proche de nous. Qui est proche de nous et qui est tout le temps avec nous. C'est-à-dire que la faim, elle était partout. Ils trouvaient le risque dans tous les makan, et là, ils ont trouvé la faim dans tous les makan, la famine dans tous les makan. Et c'était quelque chose qui était lazim lahum, qui était proche de eux et qui était inséparable. Qala wal khawf, ils étaient en sécurité. Fi amn. Fama shaka Allah subhanahu wa ta'ala ala tilka ni'ma ni'mat al-amn. Fala subhanahu wa ta'ala azaqahum libas al-khawf. Ils étaient dans la sécurité. Bima kanu yasna'un. En contrepartie, en récompense de leurs œuvres. Qui est quoi? Adam al-shukr. Adam al-shukr. Naham. فهذا هو في الحقيقة عدم الشكر كفر النعمة هنا يريد بذلك عدم الشكر وعلى حسب نعم فهذا هو يعني ما تعلق بالكفر الكفر نوعان سلك في الإسلام سلك في بساطة الإسلام لكن كيف بحثت كبائر من كبائر الذنوب نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياك بما سمعناه